manifestation du 23 mars fut la réponse cinglante du monde du travail et au mépris et à l'arrogance du gouvernement. Ce fut la motion de censure des salariés et le mépris est clair et le message est clair. Retrait immédiat de cette réforme injuste et brutale. Massif et déterminé, ces manifestations, ces actions intersyndicales, ces grèves et ces débrayages sont une réponse aux contre-vérités exprimées par le gouvernement. Et tout cela exprime la profonde colère et l'exaspération des salariés. Et aujourd'hui, la lutte continue. L'intersyndicale réaffirme que, contrairement aux propos du président de la République, de nombreuses alternatives aux mesures d'âge ont été formulées. Aucune n'a été sérieusement étudiée. La responsabilité de la situation explosive n'incombe donc pas aux organisations syndicales, mais bien au gouvernement. Et la première de ces mesures, c'est l'augmentation des salaires. Il faut que les salaires soient indexés sur l'inflation, tout comme les pensions et les allocations. Il faut aboutir à l'égalité homme-femme pour les salaires, à travail égal, salaire égal. Défendons la hausse de salaire, défendons notre pouvoir d'achat et défendons le retrait de cette réforme des retraites. Voici trois mots d'ordre fédérateurs dont nous devons nous emparer pour élargir et renforcer la grève dans tous les différents secteurs. Les actionnaires des groupes du CAC 40 ont fait des profits faramineux. L'argent déborde des caisses des grands groupes. Cet argent peut servir à alimenter le système des retraites par la hausse des salaires, par l'impôt et par la fin des exonérations de cotisations. C'est par la grève massive et par des manifestations nombreuses et tout aussi massives que nous pourrons créer ce rapport de force nécessaire pour obliger le gouvernement à abroger sa réforme. C'est aussi par la grève et la manifestation que nous pourrons défendre et améliorer notre pouvoir d'achat et nos conditions de travail. C'est vers la généralisation des grèves et vers la grève générale que nous devons aller afin de gagner le combat et afin d'imposer de nouveaux reculs au gouvernement. Faisons voir et entendre au gouvernement la colère et la détermination du monde du travail. Bonne manifestation à tous. Bon, pour information, alors ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la manifestation conventionnelle. Par ailleurs, en même temps, nous avons décidé avec en intersyndicale ce matin à 9h, comme quoi que les ronds-points Marcel Doré, qui seront tenus par la CFDT, l'hôpital par la CFTC, FO, FSU, UNSA, Transmarc, CGT, Port, plus hôpital, Nouvelle-France, Sud, Tunnel Coquel, CGT, Port, plus hôpital, et Curie par les cheminots, CGT. Alors, les personnes qui voudront soit faire la manifestation, soit rejoindre les ronds-points, ceux qui veulent désirer. Ça sera du filtrage. Le but du jeu, c'est simple, c'est de laisser passer les gens, forcément, en voiture, et les camions, bloquer les camions et orienter les camions dans Calais. Le but du jeu, c'est foutre un beau bordel. Ce qui va se passer. Sachant aussi également que à l'issue de la manifestation, ceux qui le désirent peuvent rejoindre les ronds-points. Ça, c'est pour aujourd'hui. Pour jeudi. Jeudi, on s'est mis en relation avec Boulogne et Dunkerque pour faire une opération visuel. C'est-à-dire que les camarades de Dunkerque vont arriver en opération escargot, semi-escargot, Boulogne pareil, et on se rejoint au bassin ouest. Du bassin ouest, on ira au Cap Corné, où là, cet après-midi, on va faire une grande banderole avec un petit truc rigolo, quoi. Notamment bah, pour M. Macron, puis aussi pour la venue du prince Charles, qui malheureusement n'a pas pu venir, je ne sais pas pour quelle raison. Donc voilà, donc on donne rendez-vous jeudi aussi, à 10h, entre 10h et 10h30, au bassin ouest, près de la place d'Armes. Voilà, bonne manifestation, puis voilà. Oh, no. on va demander aux cheminots et aux hospitaliers de rejoindre les ronds-points comme il a été prévu, d'accord ? Qui ravive la...